poulet au comptoir du buffet de la gare. Vieux freaky a le blues qui lui colle sa ventouse, qui lui suce le sang quand le temps, oui le temps, le temps jette son gant et son poing dans nos dents. Demain il n'y aura plus personne pour faire tourner la machine. On ne bouffera plus que des hormones et des légumes sans racines. Demain commence aujourd'hui, pour l'an 3000 c'est parti. Demain commence aujourd'hui, pour l'an 3000 c'est parti. Même plus de flics ni d'usines, mais partout des machines à rêver, à jouer, à penser, à aimer. Ils mâcheront la vie s'il y a encore l'envie, qui mangeront l'envie s'il y a encore la vie. Demain il n'y aura plus personne pour faire tourner la machine, que les clones de Babylone tous pétris de la même farine. Demain commence aujourd'hui, pour l'an 3000 c'est parti. Demain commence aujourd'hui, pour l'an 3000 c'est parti. Les hommes du béton, rendus un peu plus cons, chaque jour, chaque instant, de boulets de pied dans la merde des cités, sans l'homme anesthésié, sur la toile d'araignée, et se font tous bouffer. Demain, il n'y aura plus personne pour faire tourner la machine, si avant les mégatonnes, vous faites froid dans la trombine. Demain commence aujourd'hui, pour l'an 3000 c'est parti. Demain commence aujourd'hui, pour l'an 3000 c'est parti. Mais voilà vieux baba, faut pas baisser les bras, il est peut-être pas trop tard pour sortir du cauchemar. Reste pas dans ton ghetto, si t'as encore des mots, dis pas qu'il fait trop chaud, chante avec nous plutôt. Si demain y'a plus personne pour faire tourner les usines, ça pourrait changer la donne, je sais pas si tu t'imagines. Demain commence aujourd'hui, avant que tout soit fini. Demain commence aujourd'hui, arrêtons là nos conneries.